Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Algérino. C'est parti pour un nouveau Planète Rap, l'Algérino et son album Aigle Royal qui sort maintenant dans 5 jours. C'est lundi prochain dans les bacs, toujours en précommande évidemment. L'Alger, ça va? Oui mon ami. En pleine forme? On est là, on est en pleine bien, forme. Bien, je t'ai laissé hier soir, on a commencé à regarder la première mi-temps ensemble. Ouais, ben ouais. Ça a taquiné légèrement. Ouais, mais à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris, j'ai regardé un peu le match. Ça sent la magouille tout ça. Moi je voulais juste qu'on se rappelle quand même hier soir ce que disait l'Algérino pour le pronostic. 3-1 facilement pour Barcelone. Remets-le parce que c'est tellement bon. Remets. 3-1 facilement pour Barcelone. Voilà. C'était pas loin. Ouais bah écoute, pas loin. Même les pronostiqueurs se sont trompés. À un moment donné, la cote de Paris, elle était à 4-10, je crois. Mmh. La victoire pour Paris. Donc c'est une grande surprise. C'est bien pour les Parisiens. Voilà, donc tu es content, tout va bien. En même temps, j'aime pas trop Barcelone, donc c'est contre le Real, ça aurait su être autre chose. Voilà. Mais après, tu peux toujours refaire. Il y a toujours un truc. Et là, dans deux secondes, ils vont dire mais nous, on est les seuls en 93 à avoir porté la coupe aux deux oreilles. Ouais. Exactement. À jamais les premiers. À jamais les premiers. Ah ça, vous l'avez de côté. Ah, les Marseillais, celle-ci. Hein. Heureusement, ils ont ça. Bon, tout va bien. On va pas parler de foot toute la soirée, évidemment. On va surtout parler de cet album qui arrive. Je le disais dans 5 jours. Ouais. Bien détendu, l'Alger, comment tu te sens à la veille pratiquement de la sortie? Très bien, on a fait un bon album. Et voilà, lundi dans les bacs, on compte sur tout le monde pour soutenir. Bah dites-nous, les morceaux qu'on a commencé à balancer depuis lundi, ce que vous en pensez avec le hashtag l'Algérino sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Ce soir, des surprises, tu m'as dit des surprises ce soir. Grosse surprise, invité de marque ce soir. On a de la chance. Ah, ce n'est pas Aria qui est là et qu'on entend rigoler depuis tout à l'heure. Non, c'est pas Aria. C'est Aria qui fait partie de l'équipe de Monstre Marin justement. Qui est le patron avec Gims. Qui est là et qui t'a signé aussi. Monsieur le Président. Et que tu connais depuis longtemps parce qu'il faisait aussi partie de l'équipe 609. Ouais, voilà, il y a une filiation. Ouais. Ça fait longtemps. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout s'est bien passé en plus avec 609. C'est pas. Oui, c'est la famille. Mais d'ailleurs, voilà. On travaille toujours ensemble parce que ça reste encore mes éditeurs. Et Nabil, Karim, c'est des amis. C'est plus que des amis, c'est des frères. Mais là, l'opportunité avec Monstre Marin s'est présentée. Exactement. Présenté. Et même eux, ils ont dit que c'était bien, que c'était bien pour moi. Ah, ça frappe à la porte. Je crois que l'invité est arrivé. Oh là. Attends. Oh là, je crois que c'est du très très lourd qui arrive dans le studio. Est-ce que tu peux nous présenter Sa Majesté qui entre actuellement dans le studio? Si vous avez les images, allez cliquer tout de suite sur skyrock.fm, ouvrez les applications, visionnez le live de Planète Rap. Très important. Nous avons un prince, hein, si je ne dis pas, puisque je l'ai vu à tes côtés déjà en vidéo. Oui, alors... Il y a une vidéo qui circule. Exactement, il y en a même deux. Il y en a même deux. Une vidéo où le prince, bon, on va le présenter, c'est le prince Temenik Ier. Ah, excuse-moi, je me gourre tout le temps. C'est le prince Temenik II. Deuxième du nom. Et donc le prince Temenik, son délire, son concept, c'est qu'il rachète tout. Donc on a déjà fait deux vidéos. Qui vient d'où alors le prince Temenik? On s'est rencontré à Beyrouth. C'est ça, cher, à Beyrouth, hein? Oui, à Beyrouth et. Je crois qu'il est en train de saluer sa garde. Il est en train de saluer sa garde. Ah, il cherche quelqu'un pour le tenir. Ah, pour tenir la chicha. Tu peux lui tenir. Ah merde, elle est tombée sur les coucouniers du prince. Attention quand même. attention que ce soit pas le charbon qui tombe d'un seul coup, hein, sinon on serait mal, hein. Assalamu alaikum, narra satawal de konga à tout le monde. Pareil, prince. Donc, pareil. Le prince est enchanté de faire votre connaissance. Il vous salue fortement. C'est toi qui salue. Il vous salue fortement. Donc, aujourd'hui, je vais faire un peu l'interprète. Donc, alors, le prince, toi, tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré à Beyrouth. Il est originaire au Liban. Il est originaire du Qatar. Et donc, je te disais qu'il était en plein investissement en ce moment. Donc, il avait racheté l'OM. Donc, il a ramené. C'est fait. Mais oui, mais c'est pour ça que ça fonctionne mieux. Bielsa, tout ça, c'est lui. Donc, on applaudit le prince. Bravo. Il faut quand même saluer. Donc, puisque c'est vrai que ça apporte un concurrent en plus. Oui, c'est bien. Émulsion. Ça fait un peu d'équilibre dans le championnat français. Il a racheté aussi, je te disais la dernière fois, L'Oréal. Oui, c'est fait parce que c'était pas sûr. Il a acheté L'Oréal. C'était en cours. Il a acheté, donc il va en faire une équipe de foot, L'Oréal de Madrid. Donc il avait acheté aussi Zara, qui a transformé ça en Zarab. J'ai pas compris pourquoi. Il a appelé ça Zarab et il fait que de la djellaba. Mais de la djellaba de luxe. Classe. Et donc voilà, il est sur la française des jeux aussi. Ah, il compte acheter la française. Il veut appeler ça Rebeu des jeux, je sais pas pourquoi. Il va lancer l'euro milliard. Et il va lancer l'euro milliard. Voilà. Et bienvenue, prince. C'est vraiment très. C'est très très très très très touchant, très très. Ouais, mais c'est bien. Il ramène des choses nouvelles un peu en France. Et il a racheté aussi les réseaux ferroviaires, la SNCF. Donc il a rebaptisé ça SNCF. SNCF, évidemment. Mais la plus belle. Il rachète tout. Hein. La plus belle, c'est qu'il a racheté la sécurité sociale. C'est pas vrai. Et oui. Donc le tronc, c'est fini. Donc maintenant, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez tout payer par carte vitale. Voilà. Donné, le prince ne fait pas les choses à moitié. J'ai envie de dire bravo et merci pour ce qu'il fait pour la France. Bravo. La France avait besoin d'être redressée. Voilà. Alors qu'on vient d'apprendre que je ne sais plus la dette s'annonce à 2 000 milliards d'euros. Il demande d'arrêter de parler. D'accord. On arrête de parler. Peut-être qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose. À la radio, c'est dur hein, quand on fait une technique. C'est compliqué. Je crois quoi. Qu'il veut qu'on passe un peu de musique. Ah, peut-être il veut détendre la mais oui. Eh ben, un peu de son, très bien. On va leur envoyer grosse garde-robe là. Mais il aime bien ça. Juste avant, on va quand même se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, si tu veux bien, parce qu'on a mis. Attends, si le prince veut bien. Est-ce qu'on peut se rappeler ce qui s'est passé, prince? Non, il a dit c'est bon, il n'y a pas de soucis. C'est bon, ok. Allez, rappelez-vous, c'était hier soir dans l'émission avec l'Algérino. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle soirée avec l'Algérino qui est là, l'heure incroyable. Attends. Ça veut dire quoi? Que j'ai la réputation d'arriver toujours en retard? Ça veut dire qu'hier t'arrives en retard, mais rien de grave, tu fais un tour dans Paris. Je t'expliquais qu'hier il y avait une demi-heure de retard dû à la SNCF. Air France c'était un peu compliqué, et là on est à l'heure. Bon, comment va? Très bien, et toi? En pleine forme? En pleine forme. Venu accompagné de quelques acolytes? Toujours, donc à ma gauche il y a la famille Califourcore. Voilà, Marseille présent, toujours là. Obligé, et à ma droite, il y a notre ami tunisien. On se connaît depuis longtemps avec le président Koussamir, donc voilà, on est venu soutenir. Joli, il est sur un nouvel album, c'est ça, hein, qui va sortir? Ouais, un double album. Ouais, double album, carrément. Mmh. Ouais, il parle pas de temps, hein, Joel. Hein, c'est okay. Ouais. Moi, disons que j'ai une bonne oreille, j'ai un bon feeling. Donc, dès que j'ai écouté la première fois, je savais qu'il allait faire quelque chose. Oh, moi, si c'est ça la vie, trahis jamais pour un billet. Regarde les gens qui t'aiment parce qu'ils profitent de te voir briller. Je vois pas la vie en rose, mais je veux la voir quitte à me griller. Comment ça se finira? En ce moment, je suis dans la galère, obligé de passer par là. On m'a dit que ça va passer, on m'a dit évite les blabla. Je fais confiance à ma mère, j'écoute ses paroles quand je suis pas bien. J'ai mon petit frère comme toi, il m'a dit, j'en ai marre d'être un chien. Musique, s'il te plaît. Petit quiz Ligue des Champions, qui sera le plus fort dans un instant? Qui va remporter la Ligue des Champions sur Skyrock? Attention, celle-ci, ça va aller très vite. Quel est le seul club français à avoir gagné cette coupe? Quelle année? 93. Et enfin, là! Le 26 mai. Le 26 mai, 93, d'accord. Avec un but de qui? Avec un but de Pasipoli. Quel est le meilleur buteur sur une saison dans cette compétition? Van Basten. Cristiano Ronaldo, je crois. Cristiano Ronaldo, en effet, avec 17 buts. T'as dit qui toi? Van Basten. Un petit pronostic pour ce soir quand même. 3-1 facilement pour Barcelone. 3-1 facilement pour Barcelone. 3-1 facilement pour Barcelone. Parce moi je pense que ce soir, c'est ce soir que Paris va se réveiller. Moi aussi je suis d'accord avec Tunisiano. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? On est chaud, vas-y. Tunisiano, l'Algérino sur Skyrock. Et ça fait quoi? Ça fait. Alors je chante. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. On débarque en CLS. Quartier Nord, c'est pas dans le GPS, frère. On a le son qui fait flipper les CRS. Roule un peu à tabac santé, je suis en fumée, je suis limite rata. Aïe! On débarque en CRS. Yeah! France dédicace, la Sabine, fond vert, la Castella, Flanda, la Vis. Yeah! Mais déjà regarde la tête qu'il a pastorée. Ta coupe en tout cas, il a pris ta coupe. Bien joué, Fredo. 1-0, Fredo. Ok. Voilà, bah tous les soirs c'est l'ambiance avec l'Algérino. Direct. T'as terminé sur je la sais pas, de je, et je ne sais pas qui a mis trois fois de suite ton pronostic. Franchement là c'est limite du dénigrement. Hein, bah, ouais, je cautionne pas. C'est pas, mais je sais pas c'est qui fait le montage. C'est le mec en face là-bas. J'en ai bien peur. On t'attend à la sortie. Bon, le prince Téménique est là. Téménique 2, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est le prince Téménique 2. Je croyais qu'il y avait qu'un seul prince au Qatar qui était le prince Altani qui possède le PSG. C'est son cousin Germain. Ah, c'est le cousin Germain. Il faut savoir qu'ils sont très. Comment? À part alliance, il a dit. Alliance. Ah, il parle bien français, oui, hein, un peu, il s'exprime un peu. Par Alliance, ça marche. Il va nous sortir quelques expressions françaises tout à l'heure. Donc, ouais, c'est son cousin, ils sont très rivaux. Ah, ok. Donc, c'est pour ça qu'il a racheté. Évidemment. Yes. Bon, et ben, on va parler avec le prince, on va le découvrir dans un instant. Tu voulais qu'on balance garde-robe. Ouais, garde-robe. Le prince demande grosse garde-robe. Même grosse garde-robe. Ouais. Prince. Le prince ne parle pas beaucoup. Ah, il parle pas. Et évite de le titiller. Évite de le titiller. Je titille pas du tout. Ne l'énerve pas trop. Ce serait bien que tous les auditeurs de Skyrock se connectent sur Skyrock FM, c'est ça? Oui, allez voir les images, allez voir le prince. Ou alors sinon, on vous mettra évidemment sur le blog les photos du prince. N'hésitez pas. Ou via l'application, vous voyez les images en direct. Allez, on écoute grosse garde-robe, l'Algérino. Oh, Momo le Suédois. Oh, l'Algérie, ça va ou quoi? Viens, toi, on paraît qu'il y a une grosse soirée avec toi. Je suis là ce soir. On va se mettre frier. Grosse garde-robe. Ouais, poteau, je suis ta fin de et jusqu'à l'heure. J'ai tout mon temps, mon ex au poignet. Grosse garde-robe. L'Algérino dans les bacs, lundi, la famille, aigle royal. Aïe. Depuis qu'il jacte l'ombre de l'anglais. Je la fais en Chaoui, en Kabyle, se sème. Ça fait même en Turc. Ananas, se cœur. Les jaloux, on le sème, on s'en bat les clés. Nous, on a la classe. Rouma, c'est des clèves. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous, on respecte, il faut tomber sur des chiens. Dilex à mon rang, tu veux mon numéro. Rahitadi, tu connais pas l'Algérino. L'Algérino, sort de Capito. 1 million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bigots dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Grosse garde-robe. Grosse dédicace. DJ Kaïs à la prod. C'est correct, on est sur Skyrock. Grosse garde-robe. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langue, de langue, de langue. Depuis qui jacques de langue, de langue. J'suis avec Bibi, Malik, foie gras, hlel. Piture de figue à la recherche d'une hlel. Pas d'excès de zèle, pas de coke dans le zen. Le fontaine de la veille, en plus tu fais la belle. J'fais le tour des boîtes et des chichas. Les rappeurs m'envient, j'fais du bif, ils sont tous en l'air. Gars, rebeu frais, rebeu agile. Pourquoi tu me jalouses, rebeu fragile. Ouais, pour toi j'suis ta fin de et jusqu'à là. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse garde-robe. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langue, de langue, de langue. Depuis qu'il jacte de langue, de langue. J'aime rouler toute la nuit. Que j'gamberge de l'Eli. Appelle Tini à Amri. C'est correct, l'album dans les bacs, lundi la famille. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de le prince Téménique est dans la partie ce soir. Ouais, pour toi, je suis ta fin de et jusqu'à là. J'ai tout mon temps. On sera au Riyad samedi à Lyon. On sera au Garden aussi dans le 9-3 dimanche. Aïe. Depuis qui jacques de l'ombre de l'ombre. Ouais, pour toi, je suis ta fin de et jusqu'à là. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse garde-robe. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langue, de langue, de langue. De pute qui jacques de langue, de langue. Eh oui, l'Algérino. Grosse soirée ce soir. Très très grosse soirée. J'espère que les meufs elles sont de sortie. Et qu'elles ont pris la douche. Parce que beaucoup de meufs aujourd'hui ne se douchent plus. Elles mettent le maquillage chemé. Mais chemé, c'est la marque, cousine. Je le remets. Pour toi j'ai la solution. C'est pas Elsef qui te faut, c'est Elsla. Oui mon ami. Et à tous ceux qui putent la gueule aussi au passage. Je te signale que ça existe mon pote. Et tu peux y aller, vas-y. Remettre le Suédois, l'Algérino, DJ Case. Grosse garde-robe à l'instant. Yeah. C'est extrait de l'album de l'Algérino. J'ai envie de dire un morceau qui a été écrit peut-être pour le prince Téménique 2. Hein. Il m'a beaucoup inspiré. Parce que je pense que la garde-robe du prince doit être. Je l'ai vu, elle est redoutable. Extraordinaire. Incroyable. Tu as été déjà au Qatar ou pas à l'Alger? Non, je compte y aller, je pense, dans 2 mois. Il m'a invité dans 2 mois. Je pense qu'on va y aller avec le prince. Là, dans et quels sont les prochains achats du prince? Parce qu'on m'a dit que peut-être Skyrock allait y passer. Alors, Skyrock, il hésite encore. D'accord. Il hésite. Qu'est-ce que tu dis, prince? Il hésite parce qu'en fait il a un problème avec Rock. Il aimerait bien que ça s'appelle Skyrail. Ah bah ça dépend s'il met le prix. Alors, hein. Comment on fait cher. 3 milliards son prix pour acheter. D'euros 3 milliards d'euros, bien sûr. T'as pas de dinars, cousin. T'as un moment donné. Bienvenue sur Skyrail. Nous sommes là jusqu'à, je crois que c'est fait, jusqu'à 21h avec tous les classiques. Mais là, rail, il s'est lancé dans la location de tracteurs de luxe. Et ça s'appelle Qatar Pilar. Je crois donc que c'est un segment sur lequel il faut aller, segment porteur. Mais dans pas longtemps, tu vas voir des princes en train de rouler avec pour faire connaissance justement avec le prince Camélic II, qui est un de tes amis, on peut le dire, hein, qui est là ce soir, qui est invité. On va se rappeler quand même comment il a racheté l'OM. Je te propose d'écouter ça. Allez. Assalamu alaikum, narrasa tawaldekum ga, tout le monde. Le prince Temenik Ier est enchanté. Le prince Temenik II est enchanté de faire votre connaissance. Bah écoute, tu dis que nous aussi on est ravis. Hein. Malaikum salam. Le prince Temenik Ier a souhaité vous... Ah pardon. Le prince Temenik II a souhaité vous rencontrer car il est fortement intéressé pour acheter l'Olympique de Marseille. Et il vous rachète aussi la blonde et la brune. Qulhom chhal hrak jed babahom el kalb el khamej el kilo. Votre prix sera le sien. 500 millions. Quelques 500 millions d'euros d'ovise. Pas assez cher. Un milliard. Le stade. Un milliard avec le stade, mais personne joue dans le stade. Là-bas, et ils vont faire quoi du stade? Quelques couches t'amènent de stade, Yachir? Chicha. Une chicha. Bédé, balle-le club. Tu vois pas qu'il y a plus des gueules à l'OM. Tu avais l'effectif qu'on a. Pim pam et poum. Vas-y, à cet enculé. Tu vois pas qu'il est blindé. Planet Rap. J'espère qu'il a pas tout compris. Hein, à la fin, le prince Temenik II. Et la vidéo est dispo. Hein, je dis ça. Ouais, la vidéo. Ouais. Ça, c'était le teaser des bronzés fonds du bif. Voilà, exactement. Ouais. Et on écoutera peut-être d'ailleurs ce soir les bronzés fonds du bif. Oui, hein. Oui, obligé. Le prince aime les musiques qui bougent. Ça n'est pas cher. Non. Tu traduis hein, tout le temps. Ouais, il a dit ouais. Il t'a racheté ou pas, LG? Non, moi je suis pas rachetable. Non? Il veut pas. Il veut pas? Non. Il me laisse ma liberté, frère. C'est ça? Il veut pas cette relation-là. Aigle Royal. Aigle Royal. Aigle Royal. C'est le nom de l'album de LG qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Sur Skyrock. Il m'a surpris, excuse-moi. Mais je comprends le prince, tu dois être trop cher, surtout Angèle, ça doit être compliqué. Le prince, on lui réserve quelque chose de spécial. Elle dit c'est la fin de la semaine. Ah non. Elle a quelqu'un. Eh ben Kim pas trop quand même. Léger hein. Léger le prince. Jadak frère, Kham Jadak. Il paraît qu'il a investi dans ces magnifiques trucs nous vapotons régulièrement. Oui ouais ben il a c'est lui qui a lancé en fait la Tana Smoke. Et Rihanna est devenue accro, c'est ça? C'est ça. Et tout au long de la semaine, on en fait gagner. Ouais, exactement. Voilà. Donc, Rihanna s'est installée au Qatar depuis peu. Hein, Oui, mais elle fait partie de ses. Il y a une rumeur qui dit qu'elle fait partie de ses nombreuses. C'est un cadeau. Je viens de recevoir un cadeau du prince, c'est ça? C'est un cadeau, hein? C'est un cadeau, cher. Non. C'est un cadeau. Oh là là! Le prince fait pas les choses à moitié! Le prince ne fait pas dans la dentelle. Ce sont de jolies pâtisseries orientales qui sont là, qui viennent d'arriver tout droit du Qatar. De Barbès, là. Allez, Noailles. De Marseille, de Noailles. Bah, écoute, nous allons partager toutes ces pâtisseries orientales. Profitez d'ailleurs, si vous êtes à table, bon appétit. Dites-nous ce que vous êtes en train de faire. On balance un petit son, l'Alger. Allez, on va s'envoyer les bronzés fonds du bif. Allons-y. Les bronzés fonds du bif. Maintenant, c'était quoi? C'était tout premier morceau pour l'album, celui-ci, non? Ouais, c'est le premier morceau qu'on a envoyé. Ouais. Allez, on le balance maintenant. Aigle Royal, c'est l'album de l'Alger. Vous retrouvez évidemment ce morceau dessus. Hola, amigo, les bronzés fonds du bif. Y en aura pour tout le monde. Les bronzés fonds du bif. C'est l'Algérino sur Skyrock. L'album dans les bacs lundi. Aïe. Les bronzés fonds du bif. Les bronzés fonds du bif. Algérino. Préfet sur la côte de Miami Beach. Ma jolie j'ai la côte. Applaudis les nouveaux riches. On est calé dans le club. Jamais dans la piste. Tranquille, armé jusqu'aux dents. Reste tranquille. En France, c'est la crise, on investit dans les lingots. Bientôt, on se barre au bled, hasta luego. Gringo, bah, wow, lève ton sky. Je vais danser la France, même sur du rail. Je compte les billets méticuleusement comme un biga. Danse de l'épaule à la Cyril Hanouna. Il va pleuvoir des billets, tu vas te déshabiller. L'argent fait le bonheur. Je danse le milliard frais. Pot, Hogan, Pierre de près. Will, Kingston, les bronzés font du bif. Gitan, Rital, moi j'ai la plaque et toi la carte vitale. Le sens des affaires, du culot, des affaires. savoir-faire. Dans le biz, on a du flair, mais en l'air. Mais dans les bandes, le sens des affaires. Du culot, du savoir-faire. Dans le biz, on a du flair, mais en l'air. Mieux que chez Alice, bronze et connexion. Nous on fait des chalices, on fait le casse du siècle comme Spadjari à Nice. J'suis de la mairie de Marseille comme Samia Gali. La sable vient d'Italie, c'est elle a décalé. On est plein de manie, j'aime rien quand j'suis calé. La tcha tcha la manie pour bien t'emboucaner. Sapé Armani, rigate peine, ok. On pèse et on est là. On est plein de billets, pas de tombola. Des pièces en chocolat, tu puis le brocoli. Y'a tous mes potos là, j'entends un gros colis. Prêt pour le décollage, j'aborde un gros bolide. J'achète tout à riz comme au Monopoly. Nous au Monopoly. Eh oui mon ami, c'est l'Algérino sur Skyrock. L'album dans les bacs lundi. Je vous donne rendez-vous au Garden. C'est dimanche dans le 9-3. On sera samedi aussi au Riad à Lyon. Le 11 octobre, on sera en masse. Aïe. On a le sens des affaires, du culot, du savoir-faire. Dans le biz, on a du flair, mais en l'air. Mais bons et bons, on a le sens des affaires, du culot, du savoir-faire. Dans le biz, on a du flair, mais en l'air. Mais bons et bons, du biz. Mais bons et bons, du biz. Mais bons et bons, du biz. Mais bons et bons, du biz. Les bronzés font du bif à l'instant, c'est extrait de l'album Aigle Royal, l'album de l'Algérino qui sort lundi dans les bacs. Lundi dans les bacs et il est en précommande aussi sur iTunes. Donc allez-y, allez cliquer. Ce soir, il y a le Prince Téménic 2 qui nous vient tout droit du Qatar. Yes, qui est en train de racheter. Autant vous dire que la croissance en France va repartir rapidement. Ah oui, non, mais c'est lui. La solution, c'est pas François Hollande, milliards c'est pas de Sarkozy, dettes. C'est le Prince Téménic 2. 2 milliards de dettes, il va effacer. C'est rien, ça. 2 minutes. Ah, c'est pour que le là. Prince Téménic, 2 milliards de dettes. 2000 milliards de dettes. 2000 milliards. 2000 milliards. 2 milliards, ça aurait été bien à la limite. 2 milliards, t'imagines quand même. 2000 milliards de dettes, c'est le truc irréel, quoi. C'est la folie, donc je comprends pas, il y a des choses qui me dépassent. Mais heureusement. Heureusement, le prince Téménic 2 est avec nous. Il est là. Alhamdoulilah. Voilà. Est-ce qu'il a rencontré d'ailleurs notre président François Hollande? Est-ce qu'ils se sont échangés? Tu l'as déjà vu, François Hollande? Chacun. Fromage. Non, François Hollande. Ah non, pas le fromage. Ah, elle n'a pas rencontré encore le président? Non, mais je... Non. Comment ça se fait que tu ne l'as pas rencontré, cher? Débordé. Ah, il est trop débordé. Le prince est trop débordé. Ah, c'est le prince? Je pense que c'était François Hollande. Non, c'est le prince. Ah, François, il fait des tours en scooter. Il fait du scooter. Il a le temps pour s'arrêter vite fait. Ça va nous valoir un petit contrôle fiscal, sachez. Ah, ça, je pense que ça va être sévère. Attention. Ça va être... C'est le moment. Ça. Attention. Bon, on va revenir dans un instant. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite de l'émission? Il y a du live de prévu ce soir? Non, aujourd'hui, détente. Il y a le prince qui est avec nous. Il nous a ramené des gâteaux. Il y a l'album qui est dans les bacs lundi. Il est en précommande sur iTunes. On va s'écouter de la musique, quoi. Envoyez vos questions au prince, n'hésitez pas. Si vous avez des idées aussi pour acheter des choses, je sais voilà. Qu'il voulait racheter la Tour Eiffel, mais il n'est pas trop intéressé. La ferraille. Pas bon la ferraille. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, allez-y. Le prince Téménic 2 est là avec nous. Pas se planter, hein, pas le premier, le non, deuxième. Non, deux, ouais. Deuxième, parce que. Paix à son âme, le 1, paix à son âme. Ah, il est parti? Ouais, il est parti, il nous a quittés. Mais il nous a laissé beaucoup de milliards. Il est très concentré, je pense qu'il est encore en affaires puisqu'il passe son temps sur son portable. Ouais, il est là, il tweet, il mail, il... Il rachète peut-être, il même, rachète. En ce moment même. Est-ce qu'il compte faire une affaire avant 21h? Est-ce qu'il est sur une affaire en particulier? Non. Il veut pas te parler, frère. Ouais, je dois avoir un problème de relation avec le Qatar. Frère, normal. Ça va être normal. Il a dit là, c'est mon ami. Je sens un froid. Ah ouais. Je sens qu'il y a un froid. Non, problème. Non problème. T'inquiète pas, frère. Oui. Merci. Tout va bien, merci. Merci. C'est juste le titi, pas trop. Le non, non, non, pas non, trop. Non. Je vais pas l'emmerder, surtout que là, je vois. En plus, il est bien calibré. Hein, arme au poignet. Enfin, oui, bah, il a au poignet. Ouais, c'est une montre magnifique qui scintille. C'est une. Une Rolex. Rolex, tu as acheté ou pas encore? Et l'album, tu l'as acheté l'album? 20 000. Il en a acheté 20 000 albums. Ah oui, mais par contre, faut faire attention. Il faut l'en mettre dépêché. Ah oui, parce que je voulais vous dire que l'album il sort le 6 et le 7, il a décidé de racheter tous les CD des bacs. Donc il faut se dépêcher. Première proposition, on vous propose de racheter la SNL. La SNL, c'est où ça? C'est le club de Nancy. Le club de Nancy. Oh, Nancy. Non, pas Nancy. Non. Il n'est pas intéressé par Nancy. Il y a Princesse Algérienne qui nous dit achète avec l'Azur et faites baisser les billets d'avion pour le bled, a priori, pour partir. Qu'est-ce qu'on dit? Gratuit pour tout le monde. On rachète avec l'Azur, gratuit pour tout le monde. Je voudrais 1 million d'euros, s'il vous plaît, Giorgio, qui tente sa chance comme ça. Cher, il y a un mendiant qui te demande 1 million d'euros. Hors taxe. Il n'a pas précisé, on va lui demander. Attends, on va lui demander hors taxe ou TTC, mon ami. Ah, on nous dit maintenant racheter l'Olympique Lyonnais. Putain, il y a du boulot dans le foot. Même pas en rêve. Ah ouais, il est anti, il aime pas trop. Il est pas trop. Allez-y, si vous voulez avoir des avis sur le Prince Téménique 2, sur ce qu'il pourrait racheter près de chez vous, n'hésitez pas à faire vos propositions ce soir jusqu'à 21h et on revient dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra dans un instant? Allez, on va s'écouter Ça va aller. Ça va aller? Ouais, c'est un titre que Tunisano il aime bien et que le Prince apprécie particulièrement. Très bien, ça arrive et j'ai le nouveau Sopra à vous balancer. Allez, on va écouter ça aussi. Sopra validé par le Prince aussi. Le Prince, il dit quoi? Ah, très bien. Du pouce. Très bien. Donc, la semaine prochaine, il prendra ta place dans Planète Rap, un Planète Rap exceptionnel en live. Et ben, on écoutera juste après la pub, tiens, le Sopra. Et je vous poserai la question aussi juste avant le son de l'Algérino. Comme toi, l'Algérino a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Nous ressons de Sopra maintenant. Le morceau c'est préface. Avant de commencer l'album, Mej, tu peux mettre un peu de l'encens. Yes. Nico, tu peux monter un peu ma voix. Ok. Que Dieu pardonne mes écarts, mes excès, mes manquements, mes yo-yo dans la prière, mes péchés, mes battements. Cœur pour la musique, pour la chair, pour l'argent. Qu'il accepte mon repenti avant le dernier jugement. Qu'il me donne l'endurance pour combattre mes démons. Qu'il me donne la patience quand je traverse le mauvais temps. Qu'il me donne le courage, la force et le ciment pour bâtir à mes enfants le bunker d'un régiment. Oui, je rappe depuis mes 15 ans. La chanson m'a évité la prison. Une pensée pour Papou, on t'attend à la maison. Les procès, les décès, la rue nous a bien baisé. Mais la vie c'est comme le rugby, t'as droit à plusieurs essais. Donc j'essaie, même blessé par les mauvaises relations. À cause de tous ces couteaux, j'ai le dos d'un hérisson. Mais t'inquiète, j'ai grandi. Je ne suis pas de ceux qui se vengent, mais plutôt de ceux qui croient en Dieu. Trop gentil, trop naïf, voilà mon plus gros défaut. Mon grand cœur, une gamelle, car rassasié des corbeaux. Oui j'en souffre, oui j'en pleure, car je suis quelqu'un d'entier. Si la richesse est dans le cœur, dis-toi que beaucoup m'ont ruiné. J'ai souri à la mort, croyant que la vie me snobait. Dieu merci, ma famille m'a prouvé que je me trompais. Les coups de crasse, les angoisses. Mais j'espère que ça roule pour toi. Mais sans joint de culasse, des kilos d'exomine pour camoufler mes paniques. Un sourire factice pour cacher mon Titanic. J'ai rabé mes blessures, ma haine envers l'être humain. J'ai pleuré tout mon encre pour le sol africain. J'ai chanté le malaise de toute la France d'en bas. Je suis l'enfant du peuple, donc tu connais mon combat. Même si j'ai fait de l'argent, j'oublie pas mes HLM. J'ai toujours été sincère, j'ai toujours été moi-même. J'ai rappé pour la street avec des flots fantastiques. J'ai toujours fait le boulot, et ça sur n'importe quel feat. C'était pas pour le rallye, c'était pas pour la couronne. C'était pas pour être crédible, car je le suis pour ma daronne. J'ai promis aux darons d'honorer ses sacrifices pour devenir un bonhomme. Son histoire c'est ma notice, ma famille et mes amis que j'ai depuis la sixième. Je suis riche de leur présence, plus que de la SACEM. Les artifices du showbiz ne collent pas à mes principes. Faudrait que je fasse le voyou pour plaire à des journalistes. Donc fuck you, dis ça avec enthousiasme. Je ne ferai pas la caricature de tous vos fantasmes. Je garde mon image, mes principes, mes valeurs. En hommage à cette jeunesse qui se bat pour ses couleurs. À l'heure où le FN a brandi le flambeau, à l'heure où le FN me veut dans un grand zoo, je combats le racisme et toutes ces idées grotesques. En gardant la banane à la Dani Alves. Au moins pour Inaya, Luna, Lenny. Au moins pour ceux qui croient en cosmopolitanie. Italie. Ça sortira le 13 octobre, l'album Cosmopolitani, et le morceau qui s'appelle Préface à l'instant sur Skyrock. Sopra, il est aussi sur ton album, hein, Dadje. Ouais, il est dans un morceau qui s'appelle Salam. On va peut-être l'écouter tout à l'heure. Et bon, on va le passer tout à l'heure. Je rappelle que si vous débarquez à l'instant dans Planète Rap, il y a évidemment l'Algérino. Et il a convié un de ses amis, on peut dire maintenant. Eh oui, un ami intime maintenant. Un ami intime. Si je peux me permettre, Son Altesse. Il fait que des gestes. Il fait que des gestes, oui, c'est, la radio, c'est compliqué. Vous pouvez parler même en arabe, je traduis. Oui, on traduit. Pas. Assalamu alaikum, narrasa ta waldekum ga, à tout le monde. Rakjit baba comme le kelb khamej le kelot. Il vous apprécie fortement. Voilà. Nous aussi, c'est pareil. Tu peux lui dire ici, je pense qu'il nous comprend. De toute façon, voilà, c'est le prince Temenik II, deuxième du nom. Exactement. Qui est là avec nous ce soir, invité par l'Algérino. Entre, il freestyle pas, il a jamais rappé le En prince. Fait, le prince, on a ouvert une page Facebook, le prince Temenik II. Là, on est à 2000 fans. Ça va vite, hein, le prince commence à devenir populaire. C'est ça, 2000 fans, cher? Non. Ok. Et à 5000 fans, peut-être demain il vous fait un freestyle. Parce qu'il s'est lancé, il aime bien la musique urbaine, il s'est lancé dans le rap. Ah oui, oui, c'est un oui. prince moderne. Ah oui, c'est un prince moderne, bien sûr, c'est un prince moderne. Très bien. Et bon, on découvrira peut-être demain, mais il faut aller cliquer tout de suite sur la page. Ouais, le prince Temenik II officiel. Allez-y. Voilà, il faut 5000 fans. S'il faut, on les achète, on s'en fout, hein, cher. Non. Allez, vous gagnez 10 euros à chaque fois que vous likez. Et donc? Le prince est généreux. Le prince est très généreux. Est très généreux. Son Altesse est très très généreux. Pas assez cher. Rien n'est cher pour lui. Bon, dans un instant, on va balancer le morceau, ça va aller. Yes. Que juste... le prince apprécie beaucoup. J'en doute pas. Juste avant, petite question autour de l'Algérino pour partir avec l'album dédicacé Aigle Royal. Aujourd'hui, la question simple. Comment s'appelle le nouveau label de l'Algérino? J'allais c'est répondre, donné. T'imagines? C'est ouais, donné, prince. C'est donné. Oui, il a dit facile. Que c'était donné. C'est facile pour nous. Et je vous présente maintenant H. Bertom de Toulouse. Salut H. Bertom. Salut, salut. Ça va bien? Ouais, ça va, et vous? L'Algérino est là avec nous. Le prince, sa majesté, le prince Temenik II est là aussi avec nous. Yes. Voilà. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout droit débarqué du Qatar, il est là avec nous ce soir. Faut dire bonsoir, son Altesse. Bonsoir, son Altesse, ça va? Goula, d'accord, attends, il n'est cloubé à sur place. Il a dit quoi? Il a dit que tu as mis du temps à répondre et qu'il faut répondre plus rapidement. Et qu'il t'aime beaucoup, il aime bien le son de ta voix aussi. Voilà. Ah, merci. Et ben il va entendre H. Bertom rapper, peut-être un mercato pour H. Bertom si jamais tu le récupères direction Qatar. Il faut que tu fasses une bonne impression. Hein. Ouais, je suis joueur libre en plus. Allez, c'est parti H. Bertom, session freestyle par téléphone. Un. D'une 30, sinon le gong aurait résonné. Bravo, H. Bertom. Ouais. Trop fort, bravo merci, à toi. Merci. Le prince a aimé Naram. Il a apprécié. Il risque de te recontacter. Ah, ben franchement, s'il peut investir sur moi, il n'y a pas de souci. Et en ce moment, il s'intéresse à la musique urbaine. Il est sur un artiste, un rappeur marocain, Fatal Derbouka. Ah, Fatal Derbouka. Voilà, c'est sa trouvaille. Ça, c'est sa petite trouvaille. Bah écoute, peut-être un featuring H. Bertom avec Fatal Derbouka. Ouais. Pourquoi pas? Mais je peux battre des dédicaces. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je passe des dédicaces à mon gars sur Ali, Enzo, Matteo, Ness, Ilan, à toute ma famille, mes frères et sœurs, Serena, Merveille, Horizon, à tous ceux qui me soutiennent à Toulouse, tous ceux qui me soutiennent ailleurs, à Abidjan, Luanda, on est ensemble. voilà. Et donc je peux dire mes pages ou pas? Vas-y, bien sûr, ouais. Donc sur page Facebook, c'est H-Bertom, H-du-8-Bertom, B-E-R-T-O-M. Sur Twitter, c'est H-Bertom, pareil, sauf que c'est tiré du 6. Et voilà, donc vous pouvez checker mes vidéos sur YouTube. Récemment, j'ai participé au concours Marine Monster. Ah bah voilà. Donc vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Eh bah terrible, merci à toi H-Bertom. Voilà, et, allez. Et bon courage pour la suite. L'Algérino avec nous entre 20 et 21 avec le prince Téménique 2 qui est là encore pendant quelques minutes. Je crois que son temps de toute façon est compté. Hein. Chair et en or, il est avec nous. Et d'ailleurs, il écrit avec une plume de l'aigle royal. J'ai Ben, tu sais, chez eux, la calligraphie, ils aiment ça, quoi. Ferme ta gueule. J'en ai trop dit, excuse-moi, chef. Oula, son Altesse. N'énervons pas son Altesse. Ouais. On va pas le titiller. Ouais, j'aimerais pas me retrouver seul au Qatar avec le prince. C'est peine de mort, hein. Ouais, ça rigole. Bon, on balance le morceau, ça va aller? Allez. C'est pour détendre un peu l'atmosphère, allez. Justement. Oui, bien sûr. Le morceau, tout va bien se passer, ça va aller. Allez, c'est parti sur Skyrock. L'époque est folle, dur de garder la tête sur les épaules. Ce monde me fait peur donc je m'isole. J'ai pas compté combien de fois j'ai touché le sol. Où sont passés mes rêves d'enfant? J'ai grandi trop vite ma chère maman. Papa m'a dit de prendre mon temps. Aujourd'hui je raconte mes regrets en chantant. J'avais rien à foutre du monde, plaqué me noter. J'ai cru que le bonheur c'était de courir après le blé. Oui, les études abrégées, j'ai beaucoup d'acné. Je parle plus aux filles, je suis trop complexé. Je me demande, oh, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, oh, je me sens pas beau, je me sens détesté. Mais si ça va aller, c'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. Big up LSK, la famille 9-4. Aïe. J'taillais les courges, découpais des plaques. J'traîne avec mes potos blancs, beurre asiatique et black. Assis contre un mur, j'fume ma première cigarette. Petit déjà, j'ai compris que le quartier n'était pas net. Juste en bas chez moi, je vois les grands qui bicravent. On a la PlayStation et la télé dans la cave. On freestyle jusqu'à pas d'heure quand j'découvre le rap. Papa me donnait des roses, il avait peur que je dérape. La conseillère me dit que j'ai des capacités. Avertissement de conduite, rarement félicité. La plus bonne de l'école me fait tourner la tête. Un mec m'attend à la sortie pour faire un tête-à-tête. Je faisais tout dans l'excès, adolescent complexé. Maman se fait du souci, regarde la rue en train de me piéger. J'ai cherché la paix dans le pavé. Je ferai la guerre pour construire à maman son palais. Je me demande, c'est l'Algérino sur Skyrock. J'ai pas compris, faut l'album dans les bacs lundi. Je me demande, on compte sur votre soutien, la famille, c'est correct. Aïe, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Je souhaite à tout le monde de sortir du tchex, moi. J'ai trop été collé au banc de la thèse. Dédié à tous nos amis disparus. Je suis pas comme tous ces rappeurs qui vénèrent la rue. Je me demande, oh. Je me demande, oh. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. À l'instant, ce morceau qui s'appelle « Ça va aller », extrait de l'album de L'Algérino. Un morceau que le prince apprécie vraiment. Particulièrement, je l'ai senti détendu sur ce morceau. Ah, ça l'a apaisé, il met ça avant de dormir le soir, le prince. Détendite bien comme il faut. Donc on n'a pas besoin de traduction. Hein. Oui, là ça va. Là ça va, ça, ça glisse. Ça glisse, c'est facile. C'est tranquillement, facile. Voilà. Exact. Le prince Téménique 2 est l'invité de L'Algérino. Ce soir, il nous a amené des jolies pâtisseries. Orientales. Il nous a surtout sauvé de la crise, hein, puisque ça y est, ce n'est plus la crise en France. Ce n'est plus la crise. On peut vous l'annoncer officiellement à 20h40. C'est fini. Exact. Rideau, tout va bien. Il risque d'avoir la nationalité bientôt en plus. Mais ça, ça, ça le toucherait, ça lui ferait plaisir ou pas? Est-ce qu'il aime la France, le prince? Non. Eh oui, il kiffe la France. Et Guise, c'est quoi que tu aimes en France? Pôle emploi. Tu m'avais pas dit que tu allais racheter le pôle emploi. Ah, il rachète le pôle emploi aussi. Ah. Plus de chômeurs. Plus de chômeurs. Oui, le prince est généreux. Non. Il va peut-être te débaptiser. Avant, c'était pôle emploi. Peut-être que ça peut être Hakim, Mohamed emploi. Hamid emploi. Hamid d'emploi. Ouais. Très bien. Tu es bon, frère. C'est bon, non? C'est Hamid pas mal. Hamid emploi, ça marche. C'est bien. C'est bien. Et puis, c'est, voilà, c'est bien de changer de nom. Tu dit qu'il allait augmenter le SMIC aussi? 5000. 5000. 5000, c'est très bien. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je signe pour le prince. Hein. C'est bon, le prince. Votez le prince Téménique pour les prochaines élections. Votez le prince Téménique 2 hein, qui va se présenter. Hein. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avant de se quitter? Là-dessus, on remet un morceau. Allez, on va s'écouter. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Le morceau que Sopra, on avait dit. Ah oui, voilà, voilà. Que le prince aime beaucoup aussi. Non, morceau, mais... puisqu'il s'appelle Salam. Voilà, donc, exactement. Lui rappeler quand le pays lui manque. Qu'est-ce qui lui manque d'ailleurs du Qatar quand il est en France? Qu'est-ce qui te manque le plus? Ouais, allô. Rien. Vu qu'il manque de rien. Oui, c'est vrai, quand même. Il se déplace avec le Qatar, c'est-à-dire que quand il manque de sable, il construit une mer de sable. Voilà. Il y a le CK, le prince, qui veut que tu lui fasses une dédicace. Ah ouais, le CK. Je connais Fouad. Fouad, oui. Ok. 20 000 albums. Le CK va t'acheter 20 000 albums, le prince. Très généreux. Il sortira en 2015. Hein. Trop tard. Oh merde. Peut-être qu'il va sortir. Attends, le CK me dit dans l'oreillette qu'il le sort demain, l'album. Donc. C'est bon. Bon, 2015 l'album est le CK. Et bon. Mon album c'est lundi, je compte sur vous la famille. Bon, un petit mot quand même sur ce morceau avec Sopra. Sopra, c'est une longue histoire. Hein, oui, on est des amis de longue date, on se connaît depuis petit, je crois qu'on se connaît depuis l'âge de 12-13 ans. Et c'est un titre que j'avais fait, que j'ai fait écouter à Sopra. Il a kiffé le délire, il y avait le refrain et un début de couplet. Il m'a dit j'aime bien le délire. Et après je dis ben vas-y, si tu aimes bien, pose. Il m'a dit il n'y a pas de souci. Et donc ça a donné ce titre-là. Salam. Salam, un bon petit message de paix sur une musique un peu tropicale, c'est bien. Allez, on y va, c'est l'extrait d'Aigle Royal, ça sort lundi dans les bacs. One love, one blood, one love. Matériel, on ressent les mêmes douleurs. On n'a pas la même couleur de peau, mais le sang est le même. Nos pères sont des rois et nos mères sont des reines. Nos pères sont des rois et nos mères sont des reines. Nos pères sont des rois et nos mères sont des reines. Nos frères sont des lions, se battent pour la paix. Sommes-nous prêts à donner nos vies pour un brin de liberté? Amour et paix, amour et paix. N'ayons pas peur de la différence, fraternité. J'ai dit amour et paix, je répète amour et paix. N'ayons pas peur de la différence, fraternité. C'est... L'Algérino Soprano sur Skyrock, c'est Salam. Exclu de l'album Aigle Royal dans les bacs lundi, la famille. Je te parle d'unité, la plus grande des richesses c'est la diversité. Ils veulent nous diviser, je te parle d'unité, dans la diversité nous sommes tous liés, oui. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, alaikum salam, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, alaikum salam. Pas peur de la... différence fraternité. J'ai dit amour et paix, je répète amour et paix. N'ayons pas peur de la différence fraternité. C'est du lourd la famille, l'Algerino featuring Soprano. C'est sur mon album Aigle Royal, dans les bacs lundi. Aïe. À l'instant, le morceau qui s'appelle Salam, extrait d'Aigle Royal, l'album de l'Algerino. Yes, avec les, Soprano. Que les gens apprécient beaucoup parce qu'il y en a qui ont pu le télécharger sur iTunes. Donc l'album, il est en précommande sur iTunes. 7,99€. Il s'en fout. Il s'en fout. Prince, il y a un micro juste devant vous. Hein, quand vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Il veut tous les micros, le prince. Ouais, on s'en fout. 7,99€, c'est rien. Wow. Pour le prince, c'est quoi 7,99€? Sandwich. Mais en plus, le pire, c'est que le prince, je lui avais dit d'acheter l'album sur iTunes. Lui, il a carrément racheté iTunes. Oh, bah, faut le savoir, ça. Faut le savoir, hein, le prince. Non. Et il s'appelle toujours iTunes ou ça va changer de nom Il cherche, il a pas trouvé. Ça a dit mlih, hein. De quoi Hadi. Quoi, Hadi Hadi. Ah, il kiffe la Tana Smoke. Non. Il kiffe la Tana Smoke. Ça, on les file aussi, on les file gratos cette semaine. Si vous voulez, c'est les premières jetables, c'est les premiers vapoteurs jetables. Et c'est le prince qui les offre. Gratuit. Toute la gratuit. Semaine. Toute la semaine. À volonté. Quelle classe au prince. Entre 20 et 21. Est-ce que le prince reviendra dans la semaine ou il va pas avoir le temps de repasser On disait tout à l'heure, il y a 2000 fans sur la page du prince, le prince Téménique 2 officiel. Si d'ici demain il y a 5000 fans, peut-être il vous fait un freestyle, c'est pas sûr. Non. Voilà, donc on peut même pas avoir un petit début de. C'est trop demandé à Son Altesse Son Altesse, il faut dire. Non. Négatif. Négatif. 5000 fans, sinon rien. Bon, bah merci l'Algérie, en tout cas, merci au prince d'être passé. Qu'est-ce que tu voulais peut-être conclure, dire quelque chose avec oui, le prince le mot de la fin va être pour le prince, évidemment. Dédicace à tous mes larbins. À tout et quoi? Larbin. Ah, ok. Dédicace. Alors je. Et il dédicace à tous ses larbins. C'est larbin, c'est larbin. Chicha l'évasion. Princesse Téminé Knadia. Mourad Jaoui, Sohan, Ryan, la Morlette, bien sûr, même le dimanche. Théâtre, le petit Merlan. Chatbi, Adil et Lina, 4 ans. Et dédicace, grosse dédicace à ma nièce, Mia. Mila. Comme Roger. Roger Mila. Mais Prince, vous devriez parler plus souvent en français. Bien, vous maîtrisez totalement cette langue. Ça, il est bien. Voilà. Faut pas trop le chauffer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça a produit phare. Oui. Matinsache. Le produit phare. Matinsache, je crois que je vais avec le club Matinsache. Non, t'inquiète. J'en ai m'énervé. Alors, il s'est lancé dans le. Il a racheté une société pour faire des paniers. Une usine pour faire des paniers. Ah, c'est le magnifique panier. Je me disais, il y a un panier sur la table depuis tout à l'heure. Et il a rebaptisé ça Panike. Donc, il faut. Voilà, pour ceux qui sont connectés. Alors, pour ceux qui n'écoutent qu'en radio, c'est un panier en osier. Voilà. Genre les paniers repas. Exact. Avec la virgule. Nike. Un Panike. Un pas Nike. Non. Ah, mais ça va faire un carton, ça, hein, Prince. Non, je sais. Magnifique. Et alors, est-ce qu'on peut dire un mot quand même sur les babouches Lacoste qui. Ah oui, les babouches, mais ça, c'est une trouvaille. Est-ce que Prince, c'est pas, vous demandez de. Regardez-moi ça. Taille 44. Taille 44, babouche Lacoste. Il a racheté aussi Lacoste ou pas? Oui, il a racheté, mais ça fait longtemps, Prince. Non. Voilà, ça fait très très longtemps. Incognito. Personne ne le connaissait à ce. Et maintenant que vous achetez des babouches, vous avez le crocodile qui va avec, hein, mais pas le vrai crocodile, hein, c'est-à-dire des babouches et un crocodile avec. Yes. C'est pratique à la maison. Exactement. Voilà. Et une grosse dédicace aussi à Omar, Giz, GSX et Lardon. Vous inquiétez pas, Lyon, le 6-9, ça représente Marseille, tous les quartiers nord, la Savine, le Plan d'Ao, Fontvert, la Castellane, Herbel, la Busserine, les Cèdres, la Cayolle. J'en ai oublié, on les dira au fur et à mesure. Le demain, centre-ville aussi, CV. On a toute la semaine, t'inquiète pas, la famille. Et on fait tourner la roulette avant de se dire au revoir tout de suite. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Yannick de Rennes, ça va bien Yannick? Ça va et vous? Bah écoute, on est en pleine forme là, Gérino, je sais pas si t'as entendu, on a un prince tout droit venu du Qatar avec nous. Ouais, j'entends ça depuis tout à l'heure. Big up au prince, hein. Bonsoir monsieur big up. Prince. Il comprend le big up ou pas le prince? Il sur place tout de suite. Oui, il a compris le big up Yannick, bravo. C'est l'Algerino, rendez-vous lundi, hein. Eh oui, lundi dans les bacs, la famille Aigle Royal. On sait où tu habites. Le prince parle français. Mais oui, parce qu'il est prêt à venir chez toi t'apporter l'album Yannick. C'est fou que cette gentillesse. Il y a pas de souci, en hélicoptère, Rennes, c'est vite fait. Jet. Un jet. Allez hop, on va agrandir l'aéroport de Rennes pour faire atterrir le jet. L'aéroport de Rennes, Prince, c'est un bon investissement ça. Non. Parce que Rennes, c'est une ville qui. Hein, attention. Qui bouge à fond. Ah, et il y a une rue qui va peut-être lui rappeler quelque chose, la rue de la Soif à Rennes. Qui on connaît tous. La rue de la Soif, hein. Ouais, la rue de la Soif. On change le nom. La rue de. Ramadan. Voilà, la rue Ramadan. C'est pas possible, eh oui, Jamie, il n'est ouvert qu'une fois dans l'année, pendant un mois. On fait tourner Yannick, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est pas mal, hein. Stop pour bloquer la roulette, hein. Prince, j'explique au prince le principe de la roulette. Voilà. Eh ben voilà, c'est Kev Adams pour toi, c'est deux places pour aller voir Kev Adams à Rennes, c'est le 13 décembre près de chez toi. Ah, c'est cool. Avec le DVD qu'on t'envoie rapidement pour bien répéter le spectacle. Vous l'aurez acheté chez Kev Adams. Il voudrait racheter Kev Adams, mon ami, comment il fait? Ah ouais, bah. Bah ça, Yannick, je suis pas sûr qu'il puisse l'aider là-dessus, hein, mais. Non, chez les le revoir. Ah, il te l'offre, il te l'achète pour toi. Il te l'achète pour toi. Ah, il t'achète, il vient en spectacle uniquement pour toi, Kev Adams. Il vient dans le salon. Dans le salon. Dans le salon. Dans le salon. Parfait. Dans le salon. On t'écoute pour les dédicaces. Vas-y, bah, je fais des gros bisous déjà à ma femme, ma fille qui m'écoute, mes parents. Après, je fais un big up à tous les routiers de France, tu vois, qui sont sur la route et tout le français. Une grosse dédicace aux routiers à l'écoute, ouais. Et puis à tous les potos qui m'ont reconnu et tout, quoi. Voilà. Eh ben merci à toi Yannick, passe une bonne soirée. Et je crois que le prince, il a encore des choses à dire. Qu'est-ce là. Qu'est-ce qui se passe, votre majesté? Dites-moi. Golom Shahal H24. Ah ok, ouais. il demande combien ça coûte pour passer du L'Algérino sur Skyrock H24 toute la semaine. Oh, ça n'a pas de prix. Sans pub. Prince, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. On peut pas négocier l'Algérino comme combien? Ça n'a pas de prix. Et tu peux lui dire. Hein. Alors, c'est le bureau en face pour les réclamations. C'est le bureau là-bas. C'est le bureau, il faut qu'il y voir Laurent. Voilà. C'est le bureau juste en face en sortant. Laurent. Laurent. Oui. Laurent autant. Non, calme-toi. Oh, mon ami, j'ai joué ma carrière là, calme-toi. Laurent, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je pense qu'on va présenter 10 foules au prince. Je pense qu'ils peuvent s'entendre. Oui, ah oui. En plus, je crois qu'il a quelque chose. La Marie. Ah, des cadeaux la Marie. Marie. Il est très fan de la Marie. Il a quelque chose pour toi, le prince, la Marie. Allô. Ah, Difou, il est par téléphone, il est connecté. Oui, je suis parti dans le bureau d'en face pour dealer. Je prends une pour négocier le prix. Pour négocier. Pour négocier le prix. Okay. Donc, je suis dans le bureau d'en face. Vas-y, il y a une grosse com à prendre. Il y a une grosse com. T'as combien de. Là, on est. Mais Difou, où es-tu? Où es-tu? Tu es en bas de la radio? Tu es. Oui, je suis en bas de la radio, en fait. D'accord. Ah, et Marie derrière, Marie. Qu'on entend. Ah, Marie derrière, chère. Oui, ah, bah, oui, il a quelque chose pour toi, là, Marie. Marie, il y a un cadeau qui t'attend. Ouais, de quoi j'ai un cadeau, Marie. Ah ouais? Il y a c'est quoi? C'est quoi? Alors, il t'a dit combien tu coûtes, toi? Elle coûte deux bières, gros, deux bières. Chère, elle te provoque, elle t'a dit pas avant. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Oh, ça n'a pas de prix, comme c'est romantique. C'est romantique. Ah, c'est Mastercard. Marie, je pense que tu vas aller faire un tour au Qatar, Marie, peut-être ce soir, directement. Ouais, t'as raison. Eh, vas-y, Marie, au Qatar. Hein. Bien sûr. Chez toi, j'en profiterai. C'est mon style. Qu'est-ce qu'elle raconte, Marie? J'ai rien compris. C'est bien mon style. Bah oui, c'est ton style, on te connaît. Le prince, c'est très charmant. Non, mais le prince est charmant. Et il a beaucoup d'argent. Il est charmant. Il a une dentition parfaite. Oui. Il a une barbe bien taillée. Il est. Ah ouais? Émail diamant. Émail diamant, ouais. Bon, ça va sinon? Ben, en pleine forme. Bon, bah écoutez, nous aussi en pleine forme. Vous vivez les moments qui précèdent la radio libre tous les soirs. Ah là, qui précède ton arrivée même là, tu vois. Exactement. La radio libre arrive dans un instant sur Skyrock. Et demain, le retour de l'Algérino sur Skyrock à partir de 20h. Difool, faut-il t'envoyer le jet du prince pour te rapatrier à la radio? N'hésite pas, sur place. C'est là. Super, ça. Mais ça c'est où tu te trouves, Difool? Il arrive. Et puis, ouais, on arrive dans un instant là. Vous appelez tout de suite, allez-y, profitez-en. Hein, 01 53 40 30 20. Vous passez à coup de fil, il y a déjà Samy, il y a Cédric. On est là. Ça va? Ça va tranquille, bien tranquille. On se prépare pour le clash de la drague tout à l'heure. Mon adversaire n'est pas là. J'en profite pour faire un peu de propagande. Pour dire de la merde. Faudra voter Cédric tout à l'heure. Je vous aime très très fort. On se prépare. Ah, merci Cédric pour cette très belle déclaration. Ouais, qui augure bien de cette très belle soirée. Ta gueule, Fred. Bon, vous voulez passer dans l'émission, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages tout de suite. Allez-y, 41759 comme d'hab. Vous nous faites péter tout ça. Et puis nous, dans un instant, on explose tout jusqu'à minuit. Radio Libre et le son de Rita Ora. Enfin, le son de Iggy Azalea avec Rita Ora. Rita Ora, une découverte Skyrock, on balance tout de suite là. C'est Black Widow et on arrive en direct. C'est parti. À toutes.